Quel rêve étrange je fais chaque nuit, ma chérie. Par la fenêtre, le ciel vient flâner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu, des pieds jusqu'à la tête. Et je me mets à voler. Avouez que c'est bête. Je vole. Oh, oh. Je chante. Oh, oh, oh, oh. Pareil au bleu du ciel bleu, je trouve tout ça merveilleux. Et je vole, je vole, je vole plus loin que la mer, à deux pas du soleil. Je découvre là-haut dans les airs un bonheur sans pareil. Et du ciel une douce musique chante à mon oreille. Je vole, oh, oh, oh. Je chante, oh, oh, oh, oh. Pareil au bleu du ciel bleu, je rêve, mon cœur est heureux. Mais quand la lune se perd au bleu de l'horizon, les plus jolies de mes rêves avec elle s'en vont. Pourtant le mien continue quand le jour se dévoile, et dans le bleu de tes yeux qui scintille d'étoiles, je vole, oh, oh, je chante, oh, oh, oh, oh. Pareil au bleu de tes yeux, je trouve tout ça merveilleux. Et je vole, je vole, je vole plus loin que la mer, à deux pas du soleil. Je découvre ici-bas sur la terre un bonheur sans pareil. Et ta voix, tout comme une musique, me chante à l'oreille. Je vole, oh, oh, je chante, oh, oh, oh, oh. Pareil au bleu de tes yeux, je rêve, mon cœur est heureux. Et rien n'est plus merveilleux que d'être noyé dans tes yeux si bleus.